chaque jour, juste le même itinéraire. Mais c'est mon job dans une vie chronométrée, je dirais presque monotone. Car de nos jours, personne ne s'étonne de me voir. Donc je m'envole aussi loin que je peux. Dans mes nuages, je me façonne un chemin. Inévitablement, reviens sur terre. Logique, économique oblige, mais je ne sais que me taire. Malgré le fait que des tas de gens me côtoient ici. Je me sens seul et à ma place, tu le serais aussi. J'en vois passer des milliers des comme lui. Attentif à côté de ma sœur jumelle, on reste planté ici. Des gens modestes nous regardent mais ne s'approchent jamais. Lui aussi s'écarte quand il nous voit mais nous rafle très près. Peut-être est-il jaloux des hommes qui nous visitent en masse. Peut-être a-t-il peur de nous, de nos rangs, de nos classes. Car on est aussi célèbre que désirable. Qui ne voudrait pas de sœur jumelle aux jambes interminables. Je sais déjà que demain sera un jour semblable à la veille. Car depuis des années c'est pareil et comme d'habitude. Quand arrive l'orage évite la foudre. Mais là elle m'a frappé, celle qui d'habitude se boude. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Elle est si grande, elle paraît inaccessible. Et pour elle déjà j'en prends. J'ai comme l'impression de ne plus rien contrôler. Comme si j'en perdais la tête, je n'ai qu'une envie, la frôler. C'est la première fois que j'en vois un se diriger vers nous. Mais qu'a-t-il aujourd'hui avec cette confiance, devient-il fou? Mais pour se frotter avec nous deux, faut vraiment qu'il s'accroche. Et pour choisir entre nous deux, faut vraiment qu'il soit proche. Moi et ma sœur, on est semblables vu de l'extérieur. De symboles de richesse, de pouvoir et de grandeur. Lui qui s'avance à vive allure ne peut pas choisir. Laquelle d'entre nous l'attire le plus et laquelle séduire. Presque omnibulé par elle, je ne voyais rien autour. En m'avançant, j'aperçois sa jumelle, cela me joue des tours. Comment ai-je pu faire pour ne pas la remarquer? Comme sa sœur me diras-tu, mais maintenant elles sont deux comme pour me narguer. D'apparence, pas de différence, elles sont identiques. Dressées devant moi, le choix devient quasi problématique. Je me sens attiré vers la seconde comme par magie. Mon choix est fait, je continue d'avancer mais je t'évite. Il est de plus en plus près et l'air paraît se réchauffer. Un vent brûlant m'entoure comme si la passion allait m'embraser. Est-il attiré pour vrai ou est-ce de l'insolence? Venir me défier en s'approchant serait-ce de l'arrogance? Ou alors est-il fou de moi, de ma jumelle? Il se fout de moi vu qu'il me contourne et s'élance vers elle. Moi qui pensais être la cible de ses faveurs, ma sœur recueille mon amour impossible et sans sa chaleur. Rien ne m'arrêtera, ni les gens, ni les lois. Il faut que je l'atteigne afin d'atterrir dans ses bras. Au cœur de mon corps je sens comme des cris de panique. Car tout le monde ici craint cette union symbolique. On dit que l'amour en t'aveugle, c'est peut-être pour ça que je fonce dessus. Qui aime bien, châtie bien ce coup-ci, elle ne sera pas déçue. Je vais lui déclarer ma flamme, lui prouver mon amour fou. Tant pis si ça tourne au drame, elle paraît toucher tout d'un coup. Alors que dans mon dos, ma jumelle est secouée par l'événement. Le sol paraît trembler sous la violence de leurs sentiments. Le ciel paraît voiler, l'amour a parfumé l'oxygène. Ma sœur émue me lâche des larmes, compte rendu kérosène. Moi aussi, je vois un amour intense comme tomber du ciel. Je puis être anonyme parmi les rues et tous les gratte-ciel. Je regarde aux alentours et vois qu'on m'a pas oublié. L'amour se dirige vers moi aussi, il ne reste qu'à prier. Heure de New York, à 18 minutes d'intervalle, deux avions de ligne américains, vraisemblablement détournés, se sont écrasés délibérément sur les tours jumelles du World Trade Center dans le sud de Manhattan. Nous avons entendu une énorme explosion, et puis nous avons vu la fumée surgir, et là tout le monde a commencé à courir. On a vu l'avion sur l'autre côté de la tour, et si vous allez de l'autre côté, vous pouvez voir les gens sauter par les fenêtres. Ils sautent par les fenêtres en ce moment. À New York, l'une après l'autre, les tours s'effondrent dans un fracas assourdissant d'acier, de verre et de métaux. Cette tour n'existe plus, elles ont disparu. J'étais au 83e étage de la première tour. Soudain, en entrant dans le hall, j'ai vu une porte exploser. Et cette grosse boule de feu m'a englouti. L'incendie ravage la tour géante, 415 mètres de haut. On voit des corps en flammes dégringoler, des hommes se jeter dans le vide. Les télés sont en direct lorsque, sur l'écran à droite, surgit un autre avion qui s'encastre dans la seconde tour. Une immense boule de feu, puis 55 minutes plus tard. Vous êtes... Oh là là, écoutez, je vous commente en direct ce que je vois. Il y a une nouvelle explosion sur la deuxième tour. Cette tour n'existe plus. Elles ont disparu. Cette tour n'existe plus. Elles ont disparu.